Nous avons pu suivre à cette même heure tout au long de l'été les aventures du comte de Monte Cristo. Aventure à retrouver sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Il est temps de nous pencher sur la genèse de ce grand roman, et c'est ce que fit André Mauroy au cours d'une conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales, conférence qui fut retransmise sur la chaîne nationale le 24 octobre 1955. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous parlerons aujourd'hui du comte de Monte Cristo, qui est probablement le plus Dumas périste de tous ses romans. Un écrivain, a dit Valéry, se récompense comme il peut de quelque injustice du sort. Jamais la générosité de Dumas, sa prodigalité, son âme de redresseur de tort, ne se sont exprimées avec plus de torrentielle liberté. Comment conçut-il l'idée de Monte Cristo? Eh bien, ça se passa en plusieurs temps. Il nous raconte dans ses causeries qu'en 1842, étant à Florence, il fut chargé par Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie, de piloter son fils, le prince Napoléon, jusqu'à l'île d'Elbe, qui était naturellement un des lieux sacrés de la famille impériale. Dumas avait alors 39 ans, le prince 19, mais le plus jeune des deux était le romancier. Ils abordèrent à l'île d'Elbe, ils la parcoururent en tous sens, puis allèrent faire une partie de chasse sur l'îlot voisin de Pianosa, abondant en lapins et en perdrix. Là, leur guide, jetant les yeux sur un magnifique rocher en pain de sucre qui s'élevait au milieu de la mer, leur dit « Oh, Excellence, c'est si vous alliez à ce rocher que vous feriez une belle chasse. » Et comment, dit Dumas, s'appelle cette île bienheureuse ? Elle s'appelle l'île de Monte Cristo. Le nom enchanta Dumas. Monseigneur, dit-il au jeune prince, en mémoire de ce voyage, je donnerai le titre de Monte Cristo à quelques romans que j'écrirai plus tard. Il n'avait pas de sujet, mais il avait le titre. L'année suivante, rentré en France, Dumas signa un traité avec messieurs Béthune et Plomb, éditeurs, pour 8 volumes intitulés Impressions de voyage dans Paris. Il avait l'intention d'en faire une longue promenade archéologique et historique, mais les éditeurs lui dirent qu'ils ne l'entendaient pas ainsi. Ils avaient la tête montée par le succès d'Eugène Sue, qui venait de publier avec un succès étourdissant Les Mystères de Paris, et ils voulaient des aventures saisissantes et romanesques auxquelles Paris ne fournirait qu'un décor. Dumas faisait tout ce qu'on voulait, aucun projet ne l'effrayait. Il dit « Bon, je vais chercher une intrigue. » Or, il avait depuis longtemps marqué d'une corne une page du tome 5 d'un ouvrage de Jacques Peuchet qui s'appelait « Mémoire tirée des archives de la police de Paris ». Un chapitre intitulé « Le diamant et la vengeance » avait beaucoup frappé Dumas. Ce Peuchet avait été très authentiquement archiviste de la préfecture de police. Et de ses dossiers, il avait tiré 6 volumes, que j'ai lus, et qui seraient aujourd'hui encore une mine de romans feuilletons. Voilà celle des histoires qui avait retenu l'attention d'Alexandre Dumas. Je vais vous la raconter un peu longuement, parce que vous verrez que tout le roman est là. En 1807, raconte Peuchet, vivait à Paris un jeune cordonnier, qui s'appelait François Picot. Ce pauvre diable, fort joli garçon, était fiancé. Son beau projet en tête, vêtu de ses habits du dimanche, il se rendit place Sainte-Opportune chez un cafetier de ses amis qui était comme lui originaire de Nîmes. Et ce cafetier, Mathieu Loupian, possédait un estaminet prospère, mais c'était un homme perfide que la réussite d'autrui attristait et auquel elle inspirait une extravagante jalousie. Picot, le fiancé, trouva dans le café 3 compatriotes du Gard, comme lui, amis du patron. On le plaisanta sur sa tenue endimanchée. Il dit « Mais c'est que je vais me marier avec une orpheline très belle, Marguerite Vigouroux, dont la fortune s'élève à 100 000 francs. » 100 000 francs de 1807, c'était 20 millions 1955. Les 4 amis, abasourdis, furent frappés de stupeur, tant le bonheur du cordonnier les éblouissait. À quand la noce ? Un mardi prochain, je vous invite à la messe qui se dira à Saint-Leu. Après le départ de Picot, l'envieux Loupian dit Eh bien, voilà une fête que je retarderai. Toi, et comment ? Demandèrent ses camarades. Un commissaire de police va venir tout à l'heure. Je lui dirai que je soupçonne Picot d'être un agent des Anglais. On l'interrogera, il aura peur, et le mariage sera remis. Il faut dire qu'on était en 1807, que la police de Napoléon ne badinait pas avec les crimes politiques. L'un des trois Nîmois présents, qui s'appelait Antoine Allu, dit « Oh, voilà un mauvais jeu ». Les autres, au contraire, trouvèrent l'idée plaisante, il faut bien s'amuser en carnaval. Loupian passa à l'exécution, il tomba sur un commissaire imprudent et zélé, qui vit là une occasion de briller, et qui, sans se renseigner davantage, fit un rapport adressé au ministre de la police, Savary, duc de Rovigo. Il y avait alors en Vendée des mouvements monarchistes, insurrectionnels, qui inquiétaient le ministre de la police. Pas de doute, pensa-t-il, ce Picot est un agent secret de Louis XVIII. Le malheureux jeune homme fut enlevé pendant la nuit, il disparut et nul n'entendit plus jamais parler de lui. Ses parents et sa fiancée entreprirent des recherches, puis, n'obtenant pas la moindre indication, se résignèrent. Les absents ont tort. 7 ans se passent. 1814, chute de l'Empire, sort du château de Fénestrel, où il était emprisonné depuis ses 7 années, un homme prématurément vieilli par la souffrance. Cet homme, c'est François Picot, ravagé, affaibli, méconnaissable. En captivité, il a soigné avec dévouement un prélat italien détenu pour raisons politiques et dont les jours touchaient à leur fin. Ce mourant lui a légué oralement tous ses biens et en particulier un trésor caché à Milan, diamants, ducats lombards, florins de Venise, guinées anglaises, louis d'or français et monnaie d'Espagne. Une fois sorti de prison, Picot cherche le trésor, le découvre, le met en sûreté, puis retourne à Paris sous un faux nom, sous le nom de Joseph Luchet, dans son ancien quartier. Et là, il demande à tout le monde ce qu'est devenu un certain cordonnier, Pierre-François Picot, qui vers 1807 allait se marier avec la demoiselle Vigouroux. On lui apprend qu'une farce de carnaval faite par 4 mauvais plaisants a causé la perte de ce garçon qui est lui-même. Sa fiancée, lui dit-on, l'a pleuré 2 ans, puis, le croyant mort, elle s'est résignée à épouser le cafetier, déjà veuf et père de 2 enfants, Mathieu Loupian. Picot s'informe des noms des autres responsables. Quelqu'un lui dit « Bien, vous pouvez aller les demander à un certain Antoine Allu qui habite Nîmes. » Alors commence la vengeance. Picot, cousu d'or et de joyaux, déguisé en prêtre italien, court à Nîmes où il se fait passer pour un abbé Baldini. En échange d'un diamant, Antoine Allu lui nomme les 3 autres complices, les 3 hommes qui étaient présents le jour du carnaval funeste. Quelques jours plus tard, un garçon limonadier, qui se nomme Prosper, se fait engager au café Loupian. Cet homme au visage tourmenté, aux habits râpés, semble âgé d'une 50aine d'années, naturellement, c'est Picot sous un nouveau déguisement. Les 2 Nîmois dénoncés par Allu sont restés des habitués de la maison. Un jour, l'un d'eux, celui qui se nomme Chaubard, ne reparaît pas. Et on apprend que la veille, à 5 heures du matin, il a été poignardé sur le pont des Arts. Sur le manche du couteau, resté dans la blessure, on lit numéro 1. Puis le chien favori de Loupian, puis le perroquet de Madame Loupian meurt empoisonné. Le cafetier Loupian avait eu de son premier mariage un fils et une fille. À 16 ans, celle-ci est d'une angélique beauté. Un dandy qui se prétend marquis et millionnaire vient au café, la séduit. Enceinte, elle se voit forcée d'avouer sa faute à ses parents qui lui pardonnent avec bonté et même avec joie puisque l'élégant gentilhomme se dit prêt à épouser la future mère de son enfant. Et il l'épouse en effet civilement et religieusement, mais entre la bénédiction nuptiale et le repas de noces, on apprend que le marié s'est enfui. C'était un forçat libéré qui n'était ni marquis ni millionnaire suite de la vengeance. Consternation des parents de la mariée. Le dimanche suivant, leur maison, qui est à la fois leur domicile familial et le siège de leur entreprise, est détruite par un mystérieux incendie. Loupian est ruiné et seul lui reste fidèle son ami Solari, le dernier survivant des habitués de jadis, Et puis Prosper, garçon limonadier, qui est naturellement, à l'insu de Loupian, l'auteur de tous ses malheurs. Comme il fallait s'y attendre, Solari ne tarde pas à mourir, empoisonné. Et sur le drap noir qui recouvre son cercueil, on trouve épinglé un papier portant numéro 2. Le jeune Eugène Loupian, fils du cafetier, est un écervelé sans force de caractère. De mauvais sujets venus on ne sait d'où, s'acharne à le débaucher. Compromis dans une affaire de vol avec effraction, il est condamné à 20 ans de prison. Les Loupians atteignent donc au fond du déshonneur et de la misère. Fortune, réputation, bonheur, ils ont tout perdu dans cette hallucinante avalanche de catastrophes. La belle Madame Loupian, qui était autrefois Mademoiselle Vigouroux, la fiancée de Picot, meurt de douleur. Et comme elle n'a pas donné d'enfant au cafetier, les débris de son avoir personnel doivent être restitués aux membres de sa famille, ceux-ci étant, selon la loi, ses héritiers naturels. Alors Prosper, le garçon limonadier, offre toutes ses économies au patron ruiné, à la condition que la superbe Thérèse, fille de Loupian d'un premier mariage et femme du galérien en fuite, se mettra en ménage avec lui. Pour sauver son père, l'orgueilleuse et belle Thérèse y consent. Tous ces malheurs ont rendu Loupian à demi-fou. Un soir, dans une sombre allée du jardin des Tuileries, un homme masqué se dresse devant lui et lui dit « Loupian, te rappelles-tu 1807 ?» Pourquoi ? Parce que 1807 est l'année de ton crime. Quel crime ? Ne te souviens-tu pas d'avoir, par jalousie, fait mettre au cachot ton ami Picot ? Ah oui, c'est vrai, Dieu m'en a puni bien rigoureusement. Ce n'est pas Dieu qui t'a puni, c'est Picot qui, pour assouvir sa vengeance, a poignardé Chaubard, empoisonné Solari, brûlé ta maison, déshonoré ton fils et donné à ta fille un forçat pour époux. Oui, dans ton garçon Prosper, reconnais Picot et que ce soit au moment où il placera son numéro 3. Loupian tombe, assassiné, un poignard dans le cœur. Mais au moment où Picot va sortir des Tuileries, une main de fer le saisit, le bâillonne et, à la faveur de la nuit, l'emporte. Jeté dans une cave, il se trouve devant un homme qu'il ne reconnaît pas. « Eh bien, Picot, lui dit l'homme, pour toi sans doute la vengeance n'est que plaisanterie. Mais non, c'est une manie furieuse. Tu as passé 10 années de ta vie à poursuivre 3 misérables qui avaient des torts, mais que tu aurais dû épargner. Tu as commis des crimes horribles. Et si je suis ton complice, car c'est moi qui t'ai vendu le secret de ton malheur, je suis Antoine Alu, que tu allais voir à Nîmes. De loin, j'ai suivi tes forfaits. J'ai fini par comprendre qui tu étais. J'étais venu à Paris aujourd'hui pour tout révéler à Loupian. Le diable t'a donné 1 minute d'avance sur moi. Et où suis-je à présent ? Demande l'autre. Que t'importe, tu es en un lieu où tu ne dois attendre ni secours, ni pitié. Vengeance pour vengeance. Picot est alors sauvagement mis à mort par Alu. Son meurtrier passe en Angleterre. En 1828, Alu, gravement malade à Londres, fait venir à son chevet un prêtre catholique auquel il dicte un récit détaillé de ses terribles aventures en l'autorisant à le communiquer après sa mort à la justice française. Les dernières volontés d'Alu ayant été scrupuleusement exécutées par le confesseur, ce précieux document se trouvait déposé aux archives de la police, où il est encore, et où Jacques Peuchet avait pu en prendre connaissance. D'où le chapitre vraiment étonnant que je viens de vous résumer. Dans quelle mesure Dumas a modifié Peuchet ? Le héros qu'il invente, Edmond Dantès, est comme François Picot sur le point d'épouser celle qu'il aime quand d'inexplicables malheurs s'abattent sur lui. Sa Mercedes lui est enlevée par le pêcheur Fernand, comme dans Peuchet. Marguerite, fiancée à Picot, avait été enlevée par Loupian. Mais Dumas a dédoublé Loupian, car il en a fait à la fois Fernand et le traître Danglars. Quant au magistrat Villefort, qui voit dans la perte de Dantès un moyen d'avancement, il a eu pour modèle vivant ce commissaire de 1807, trop prompt à tenir pour véridique la dénonciation calomnieuse de Loupian. L'abbé Farga, le compagnon de prison d'Edmond Dantès au château d'If dans le roman, eh bien, c'est le riche prélat milanais qui avait légué son trésor à François Picot, comme lui détenu au château de Fénestrel. Après son évasion et son enrichissement, Dantès joue des rôles successifs. Il s'appelle l'abbé Busoni, Saint-Bard le Marin, Lord Wilmore et le comte de Monte Cristo. Et de la même manière, Picot avait été tour à tour Joseph Luchet, l'abbé Baldini et le garçon limonadier Prosper. Vous n'avez pas oublié que la fille de Loupian, dupe d'un imposteur, avait cru s'allier aux plus nobles familles en épousant un faux marquis qui était en réalité un condamné de droit commun, épisode magnifique à romancer. Dumas introduit alors chez Danglars un certain Benedetto, fils bâtard de Villefort, qui, escroc, voleur et faussaire, a jadis été envoyé au bagne de Toulon. Ce forçat réussit, après évasion, à se faire passer pour un prince italien. L'aimable Eugénie, fille de Danglars, lui accorde sa main. Le jour où leur contrat de mariage va être signé en grand apparat, le fiancé, poursuivi pour meurtre, est arrêté. Donc, le roman suit d'assez près la nature. Seulement, la nature n'avait pas eu ce coup de génie de trouver le nom « Comte de Monte Cristo » qui devait si bien se fixer dans les mémoires. La mystérieuse chimie qui engendre les œuvres s'était enrichie de ce précieux réactif Monte Cristo le jour où Dumas s'était mis à chasser avec le prince Napoléon dans les îles voisines d'Elbe. Le vrai Picot, dans sa vengeance, s'était montré trop cruel pour devenir un héros populaire, au moins au XIXe siècle. Au XXe, on ne sait plus, la méchanceté gratuite a eu son temps de faveur, mais tout de même pas dans le public populaire. Si Dantès est un vengeur implacable, il n'est pas, comme Picot, un féroce meurtrier. Picot assassinait lui-même ses persécuteurs. Il se vengeait, tandis que Dantès est vengé. Fernand, devenu le général comte de Morcerf et l'époux de Mercédès, se suicide. Danglars est ruiné. Villefort perd la raison. Cependant, pour éclairer un peu ces ténèbres infernales et pour recréer l'atmosphère d'un conte des mille et une nuits, atmosphère à laquelle Dumas pense certainement, Dumas a doté Monte Cristo d'une maîtresse orientale, Haydée, fille du pacha de Janina. C'est l'esclave sublime que Dumas aurait souhaité pour lui-même et que je dirais invraisemblable si Mademoiselle Haïssé n'avait existé. Et Mademoiselle Haïssé, c'est bien l'original d'Haïdée. À la fin du livre, Edmond Dantès, repu, saturé de vengeance, va devenir bon jusqu'à doter Mademoiselle de Villefort, fille de son ennemi, qui épousera Morel, fils de son ami. Mais quand les deux jeunes époux veulent remercier Monte Cristo, leur bienfaiteur, et demande à son marin, Jacopo, où il compte, où est Haydée, Jacopo étant la main vers l'horizon, les yeux des jeunes gens, écrit Dumas, se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin, et sur cette ligne d'un bleu foncé qui séparait du ciel la Méditerranée, ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. Ainsi, le comte de Monte Cristo finit comme un film de Charlie Chaplin, par une silhouette vue de dos, qui s'éloigne au loin. Le succès de Monte Cristo dépassa tous ceux qu'avait déjà obtenu Dumas. Ce feuilleton mit Paris en délire, mais Dumas lui-même encore beaucoup plus que les Parisiens. Il n'avait jamais tracé une frontière bien précise entre ses romans et sa propre vie. Ayant pris un plaisir infini à vivre par le truchement d'Edmond Dantès, cette vie inimitable de vengeur, de bienfaiteur, il fut tenté de la revivre dans le monde réel pour son propre compte. Est-ce qu'il n'était pas lui-même un nabab des lettres? Ne gagnait-il pas 200 000 francs par an, c'est-à-dire 50 millions d'aujourd'hui? Et pourquoi ne bâtirait-il pas le château de Monte Cristo? Depuis 1843, Dumas, tout en conservant un appartement à Paris, avait loué, moyennant un loyer annuel de 2000 francs, une villa Médicis à Saint-Germain-en-Laye, et il avait acheté le théâtre de cette petite ville. Depuis qu'il habitait Saint-Germain, sa cour, son harem, sa ménagerie, y grouillaient autour de lui, et le chemin de fer de Paris à Saint-Germain voyait ses recettes doublées. Pour voir de près le grand homme, les curieux affluaient, et Dumas, bon prince, serrait toutes les mains, faisait des mots et en riait le premier. Le roi Louis-Philippe, surpris, demanda au ministre Montalivet « Mais qu'a donc Saint-Germain à se trémousser ainsi ?» Le ministre répondit « Sire, votre majesté veut-elle que Versailles devienne gaie jusqu'à la folie ? Dumas, en 15 jours, a galvanisé Saint-Germain. Il n'y a qu'à lui ordonner de passer 15 jours à Versailles. » Ce ne fut pas à Versailles, mais sur la grande route de Bougival à Saint-Germain, que Dumas trouva un terrain boisé qu'il jugea propice à édifier la maison de ses rêves, le château de Monte-Cristo. À Monte-Cristo, il tient table ouverte. Quiconque se présente est reçu. Dumas tend la main gauche au visiteur, tout en continuant à écrire de la droite, puis le retient à déjeuner. Et sans cesse, il appelle le cuisinier pour lui ordonner d'augmenter le nombre des côtelettes béarnaises. À ce moment, un jeune homme, auquel Dumas avait rendu quelques services, lui assura qu'il était très aimé dans le département de l'Yonne et qu'il ne pouvait manquer d'y être élu. Dumas dit qu'en effet, il était certainement populaire dans l'Yonne, puisqu'il était populaire partout, et qu'aucun candidat n'y aurait de chance contre lui. C'était oublié que dans les provinces françaises, le prestige va aux hommes locaux. Qu'est-ce que c'est que ce Dumas, demandèrent les gens de l'Yonne. Est-il du pays? A-t-il des vignes? Est-il marchand de vin? Non? Alors c'est un bâtard politique. D'ailleurs, c'est un ami des princes d'Orléans, partisan de la Régence, affirmèrent les uns. Un aristocrate, un marquis, ripostaient les autres. Il venait de fonder un journal, Le Moi, sur lequel il avait mis une belle devise, « Dieu dicte, j'écris », qui demandait que la statue du duc d'Orléans fût remise sur son piédestal dans la cour du Louvre. Ce fut là-dessus qu'on l'attaqua. Il répondit éloquemment, parla d'amitié, de reconnaissance, évoqua la douleur causée par la mort tragique du jeune prince, fit pleurer la moitié de la salle, applaudir l'autre, mais il ne fut pas élu. Et ne pouvant faire de l'histoire, il se remit à écrire des histoires. Mais cela même n'était plus suffisant pour arrêter la marée montante des dettes. L'entreprise était virtuellement en faillite. De toutes parts, les créanciers s'abattaient sur Dumas, Monte Cristo était saisi, les hypothèques grevant la propriété s'élevaient à 232 000 francs. Tous les créanciers harcelaient Dumas. Un bottier, auquel il devait 250 francs, fit le voyage de Saint-Germain pour se faire piquer. Le châtelain, dépossédé, le recevait chaque fois avec tendresse. « Ah, mon bon ami, tu arrives à merveille. J'ai justement besoin d'escarpins vernis et de souliers de chasse. Mais, monsieur Dumas, je vous apporte ma petite note. Mais tu as bien raison. Nous verrons ta petite note cet après-midi. D'abord, tu déjeunes avec moi. » Après un repas succulent, le bottier timide produisait à nouveau sa facture. « C'est pas le moment de parler affaire, lui disait Dumas. La digestion, d'abord. J'ai fait atteler pour te conduire à la gare. Tiens, voici 20 francs pour ton chemin de fer. » Cette scène moliéresque recommençait chaque semaine. À la fin, le bottier avait été encaissé 600 francs, beaucoup plus que sa note, et dînait 30 fois aux frais de Dumas. 1851 fut une triste année. Les hommes de loi s'acharnaient sur le bon géant, sa jovialité l'abandonnait, hélas, ses amis aussi. Comme Job, sur son fumier, il voyait chez lui plus de conseilleurs que de donateurs. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte vint fort à propos fournir à Dumas une chance de se soustraire à ses créanciers et à ses procès sans perdre la face. Il s'exila en Belgique comme Victor Hugo. La différence était que Victor Hugo fuyait les excès et les rigueurs d'un tyran, Alexandre Dumas les exploits et les commandements des huissiers. Pendant cette retraite de Bruxelles, Porthos, car plus que jamais Dumas nous rappelle son héros, Porthos soutient encore sans fléchir les masses énormes qui se sont abattues sur lui. Ses créanciers l'ont acculé au fond d'une grotte, le rocher des dettes écrase son dos, une grappe de femmes pèse de tout son poids sur ses épaules, les engagements qu'il a pris envers les éditeurs dépassent non seulement la puissance de travail d'un homme, mais celle de 10 hommes, de 100 hommes, et ce géant héroïque n'a qu'un désir, entreprendre plus encore. Il prépare ses mémoires, écrit des pièces de théâtre, il pense à créer un journal, il conquiert des femmes nouvelles tout en gardant les anciennes. On pense au mot fameux du maréchal Foch au temps de la Marne. Ma gauche est enfoncée, ma droite fléchie, j'attaque. Le Dumas de Bruxelles semble dire « Je suis accablé de dettes, je suis submergé par les contrats, je crée ». Il y a dans le spectacle de cette force confiante et de cet homme tout de même vieillissant, qui garde toutes les illusions et toutes les témérités de la jeunesse, quelque chose de généreux et de charmant. Monte Cristo avait dû capituler, mais Dumas, son double, avait pris le maquis et il le tenait héroïquement. C'était « La vie et l'œuvre d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo », une conférence signée André Mauroy, conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 24 octobre 1955. Demain, à la même heure, dernier rendez-vous de cette série, nous reviendrons sur le personnage de l'abbé Faria en compagnie de François Angelier et de ses invités, invités qu'il recevait dans son émission le 28 août 2002. Vous pouvez télécharger tous les épisodes du feuilleton Le Comte de Monte Cristo sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Thank you.